Le ministère de la Sûreté nationale, le ministère de la Sécurité du Peuple et le parquet central de la République populaire démocratique de Corée ont lancé en commun le 28 juin une déclaration. En voici le résumé. Peu de temps auparavant, comme il est de notoriété publique, nous avons arrêté une bande terroriste qui s'est infiltrée en notre République sous les ordres de la CIA et de l'Agence nationale de renseignement sud-coréenne dans le but d'effectuer le terrorisme d'État par des matières biochimiques contre notre direction suprême. De suite, a été dévoilé le crime de Park Geun-hye d'avoir préparé, pendant son mandat présidentiel, une opération d'élimination de la direction du Nord avec l'Agence nationale de renseignement. Cela soulève l'indignation extrême de nos militaires et civils. Selon l'information, Park Geun-hye a préparé et stimulé en secret, depuis la fin de 2015, l'intrigue pour le changement de la direction suprême du Nord. Le plan d'opération secrète en la matière, élaboré sous la coupe de l'Agence nationale de renseignement, comprend même l'assassinat. À l'époque, Park Geun-hye a rejeté le rapport des spécialistes affirmant la difficulté du changement du pouvoir du Nord. Au contraire, en se montrant satisfaite du rapport de l'Agence nationale de renseignement selon lequel le changement du pouvoir est possible vu l'instabilité de la situation du Nord, elle a examiné et signé en personne le plan d'opération secrète visant le changement du cerveau du Nord. Ses auteurs ont prévoyé également de masquer l'attentat de l'accident de voiture ou de train, tout en prétendant qu'il faut prêter l'attention spéciale à cacher leur intervention à l'opération, car la réussite de l'attentat peut causer les conflits armés. Mais ils n'ont pas pu effectuer cette opération, car notre garde était très stricte. Plus tard, à cause du changement du pouvoir sud-coréen dû à la destitution de Park Geun-hye, ce plan criminel a été aboli automatiquement. La situation extrêmement grave montre que les menées ennemies pour étouffer notre République vont jusqu'au terrorisme d'État ultra-géant visant notre direction suprême. Face à cette situation, nous condamnons à la peine capitale Park Geun-hye et Lee Byung-ho, ancien directeur de l'Agence nationale de renseignement et sa junte, auteur de l'attentat contre notre direction suprême. Notre direction suprême est le symbole de la dignité et de la puissance de notre République et l'ensemble de la vie et du destin de notre armée et de notre peuple. Sans parler de Park Geun-hye et de la junte de Lee Byung-ho, les agents de renseignement sud-coréens ne peuvent interjeter à l'appel quoi qu'il soit tué horriblement à n'importe quand, à n'importe où et par n'importe quel moyen à partir de maintenant. Les autorités sud-coréennes doivent remettre sans tarder à notre République, selon les conventions internationales, la traîtresse Park Geun-hye, l'ex-directeur de l'Agence nationale de renseignement Lee Byung-ho et sa junte, qui ont perpétré le terrorisme d'État ultra-géant contre notre direction suprême. Les autorités sud-coréennes doivent penser d'elles-mêmes à des conséquences funestes éventuelles pour les relations Nord-Sud, dans le cas où elles détourneront le dos à notre exigence importante liée à notre dignité suprême. Nous déclarons condamné à mort sur le champ et sans aucun avertissement préalable en vertu des lois et ordonnances spéciaux du temps de guerre, les organisateurs, participants et partisans, au cas où les États-Unis et les autorités sud-coréennes tentent de nouveau un attentat ultra-géant contre notre direction suprême. Peu importe que de tels crimes soient perpétrés au sein ou hors de notre République, les criminels seront exécutés sans merci au nom du peuple et immédiatement sur place, selon notre mesure de punition impitoyable. Ceux qui osent lancer un défi à notre dignité suprême ne peuvent pas vivre sur notre planète. Si les États-Unis et les autorités sud-coréennes négligent nos avertissements ou prennent une attitude provocante à notre mesure, ils le payeront cher de façon physique.